Quatrième journée, chapitre 4. Pierre avait suivi Marie, et il se trouvait derrière le dais, avec elle, comme emporté dans le vent de gloire, qui lui faisait traîner triomphalement son chariot. Mais de telles poussées revenaient à chaque minute, en tempête, qu'il serait tombé sûrement si une main rude ne l'avait maintenu. « N'ayez pas peur, donnez-moi le bras, autrement vous ne pourrez rester debout. » Il se tourna. Il fut surpris de reconnaître le père Mathias, qui avait laissé le père Fourcade dans la chaire pour accompagner le dais. Une extraordinaire fièvre le soutenait, le jetait en avant d'une solidité de roc, les yeux pareils à des tisons, la face exaltée, couverte de sueur. « Prenez donc garde, donnez-moi le bras !» Une nouvelle vague humaine avait failli les balayer. Et Pierre s'abandonna à ce terrible homme qu'il se souvenait d'avoir eu pour condisciple au séminaire. Quelle singulière rencontre! Et comme il aurait voulu posséder cette foi violente, cette folie de la foi qui le faisait haleter ainsi, la gorge pleine de sanglots, continuant à clamer l'ardente supplication. « Seigneur Jésus, guérissez nos malades! « Seigneur Jésus, guérissez nos malades !» Derrière le dais, le cri ne cessait pas. Il y avait toujours là un vociférateur, chargé de ne pas laisser en paix la trop lente bonté divine. C'était, parfois, une voix grosse, éplorée. D'autres fois, elle était aiguë, déchirante. Celle du Père, impérieuse, finissait par se briser d'émotion. « Seigneur Jésus, guérissez nos malades! Seigneur Jésus, guérissez nos malades !» Le bruit de la guérison foudroyante de Marie, de ce miracle dont l'éclat allait emplir la chrétienté, s'était répandu déjà d'un bout à l'autre de Lourdes, et de là venait ce vertige accru de la foule, cette crise de contagieux délire qui la faisait se ruer vers le Saint-Sacrement, tournoyante, dans un flux déchaîné de marée haute. Chacun cédait à l'inconsciente passion de le voir, de le toucher, d'être guéri, d'être heureux. Dieu passait, et il n'y avait pas que les malades à brûler du désir de vivre. Tous étaient ravagés par le besoin du bonheur, qui les soulevait, le cœur saignant et ouvert, les mains avides. Aussi Berthaud, qui redoutait l'excès de cet amour, avait-il voulu accompagner ces hommes? Il les commandait, il veillait à ce que la double chaîne des brancardiers, aux deux côtés du dais, ne fût pas rompue. « Serrez vos rangs encore, encore, et les bras solidement noués !» Ces jeunes gens, choisis parmi les plus vigoureux, avaient fort à faire. Le mur qu'ils bâtissaient ainsi, épaule contre épaule, les bras liés à la taille et au cou, pliait à chaque instant sous les assauts involontaires. Personne ne croyait pousser, et c'était de continuels remous, des ondes profondes qui venaient de loin et qui menaçaient de tout engloutir. Lorsque le dais se trouva au milieu de la place du Rosaire, l'abbé Judaine crut bien qu'il n'irait pas plus loin. Dans le vaste espace, il s'était formé plusieurs courants contraires, tourbillonnant, l'assaillant de toutes parts. Il dut s'arrêter, sous le dais balancé, flagellé comme une voile au large par un brusque coup de vent. Il tenait le Saint-Sacrement, très haut, de ses deux mains engourdies, avec la peur qu'une poussée dernière ne le renversât, car il sentait bien que l'ostensoire d'or, rayonnant de soleil, était la passion de tout ce peuple, le Dieu qu'on exigeait pour le baiser, pour se perdre en lui, quitte à l'anéantir. Alors, immobilisé, il tourna vers Berthaud des regards inquiets. « Ne laissez passer personne !» criait celui-ci au brancardier. « Personne ! L'ordre est formel, entendez-vous » Mais des voix suppliantes s'élevaient, des misérables sanglotaient, les bras tendus, les lèvres tendues, avec le désir fou qu'on les laissât s'approcher et s'agenouiller aux pieds du prêtre. Quelle grâce d'être jeté à terre, d'être foulé, piétiné par toute la procession. Un infirme montrait sa main desséchée, convaincu qu'elle allait refleurir au bout de son bras si on lui permettait de toucher l'ostensoir. Une muette poussait de ses fortes épaules rageusement pour délier sa langue dans un baiser. D'autres encore, criaient, imploraient, finissaient par serrer les poings contre les cruels qui refusaient la guérison aux souffrances de leur corps, aux misères de leur âme. La consigne était absolue, on redoutait les accidents les plus graves. « Personne, personne !» répétait Berthaud. « Ne laissez passer personne !» Cependant, il y avait là une femme dont la vue touchait tous les cœurs. Misérablement vêtue, elle était nu-tête, le visage en larmes, et elle tenait sur les bras un petit garçon d'une dizaine d'années, dont les deux jambes, paralysées et molles, pendaient. C'était un poids trop lourd pour sa faiblesse, mais elle ne paraissait pas le sentir. Elle avait apporté son garçon, elle conjurait les brancardiers avec un entêtement sourd dont ni les paroles ni les bousculades ne triomphaient. D'un signe, enfin, l'abbé Judaine, très ému, l'appela. Obéissant à cette pitié de l'officiant, malgré le danger d'ouvrir une brèche, deux des brancardiers s'écartèrent, et la femme se précipita avec son fardeau, s'abattit devant le prêtre. Celui-ci, un instant, posa le pied du Saint-Sacrement sur la tête du petit garçon. La mère elle-même y colla ses lèvres avides. Puis, comme on se remettait en marche, elle voulut rester derrière le dais. Elle suivit la procession, les cheveux au vent, haletante, chancelante sous le poids trop lourd qui lui cassait les épaules. À grand-peine, on acheva de traverser ainsi la place du Rosaire. Et la montée alors commença, la montée glorieuse par la rampe monumentale, tandis que, très haut, au bord du ciel, la basilique dressait sa flèche mince, d'où s'envolait un carillon de cloche, sonnant le triomphe de Notre-Dame de Lourdes. C'était maintenant vers cette apothéose que le dais lentement s'élevait, vers cette porte haute du sanctuaire, qui semblait ouverte sur l'infini, au-dessus de la foule immense, dont la mer, en bas, par les places et par les avenues, continuait à gronder. Déjà, le Suisse magnifique, bleu et argent, arrivait avec la croix processionnelle à la hauteur de la coupole du Rosaire, sur la vaste esplanade des toitures. Les délégations du pèlerinage s'y déroulaient, les bannières de soie et de velours, aux couleurs vives, flottaient dans l'incendie du couchant. Puis, le clergé resplendissait, les prêtres en surplis de neige, les prêtres en chasubles d'or, pareils à un défilé d'astres. Et les encensoirs se balançaient, et le dais montait toujours, sans qu'on distinguât les porteurs, comme si une force mystérieuse, des anges invisibles, l'eussent emporté, dans cette ascension de gloire, vers la porte du ciel grande ouverte. Des chants avaient éclaté. Les voix ne réclamaient plus la guérison des malades, à présent qu'on s'était dégagé de la foule. Le miracle s'était produit, on le célébrait à pleine gorge, dans le branle des cloches, dans la gaieté vibrante de l'air. Magnificat anima mea dominum. C'était le cantique de gratitude, déjà chanté à la grotte, qui, de nouveau, sortait des cœurs. Et exul saltavit spiritus meus in deo salutari meo. Et cette montée rayonnante, cette ascension par les rampes colossales vers la basilique de lumière, Marie la faisait avec un débordement de croissante allégresse. À mesure qu'elle s'élevait, il lui semblait qu'elle devenait plus forte, plus solide sur ses jambes ressuscitées, mortes si longtemps. Ce chariot qu'elle traînait victorieusement, c'était comme la dépouille de son mal, l'enfer d'où la Sainte Vierge l'avait tiré. Et, bien que le timon lui en meurtrît les mains, elle voulait le mener là-haut avec elle, pour le jeter aux pieds de Dieu. Aucun obstacle ne l'arrêtait. Elle riait au milieu de grosses larmes, la poitrine haute, l'allure guerrière. Dans sa course, une de ses pantoufles s'était détachée, tandis que la dentelle avait glissé de ses cheveux sur ses épaules. Mais elle marchait quand même, elle allait toujours, casquée de son admirable chevelure blonde, la face éclatante, dans un tel réveil de volonté et de force qu'on entendait, derrière elle, le lourd chariot bondir en gravissant la pente rude des dalles, ainsi qu'un petit chariot d'enfant. Pierre, près de Marie, restait au bras du père Mathias, qui ne l'avait point lâché. Il était incapable de réfléchir, perdu dans cette émotion énorme. La voix de son compagnon, sonore, l'assourdissait. « De possuit potentes decede et exaltavit humiles. » De l'autre côté, à sa droite, Berthaud suivait aussi le dé, rassuré maintenant. Il avait donné l'ordre à ses brancardiers de cesser la chaîne. Il considérait d'un air ravi cette mère humaine que venait de traverser la procession. Plus on montait le long des rampes, et plus la place du Rosaire, les avenues, les allées des jardins, s'élargissaient en dessous, se développaient au regard, noir de monde. C'était tout un peuple à vol d'oiseau, une fourmilière de plus en plus étalée et lointaine. « Regardez donc, » finit-il par dire à Pierre, « est-ce grand, est-ce beau ? Allons, l'année ne sera pas mauvaise. » Lui, pour qui Lourdes était surtout un foyer de propagande, où il contentait ses rancunes politiques, se réjouissait des pèlerinages nombreux qu'il croyait être désagréables au gouvernement. Ah, si l'on avait pu amener les ouvriers des villes, créer une démocratie catholique! L'année dernière, continua-t-il, on est à peine arrivé à 200 000 pèlerins. Cette année, j'espère qu'on dépassera ce chiffre. Et de son air gai de bon vivant, malgré sa passion de sectaire, « Ma foi, tout à l'heure, quand on s'écrasait, j'étais content. Je me disais, « Ça marche, ça marche !» Mais Pierre n'écoutait pas, était frappé par la grandeur du spectacle. Cette foule qui s'étendait davantage à mesure qu'il s'élevait au-dessus d'elle, cette vallée magnifique qui se creusait sous lui, qui s'agrandissait sans cesse, déroulant l'horizon fastueux des montagnes, l'emplissait d'une admiration frémissante. Son trouble en était accru. Il chercha le regard de Marie, il lui indiqua le cirque immense d'un geste large. Et ce geste la trompa. Elle ne vit pas la matérialité du spectacle, dans l'exaltation toute spirituelle où elle se trouvait. Elle crut qu'il prenait la terre à témoin des faveurs prodigieuses dont la Sainte Vierge venait de les combler tous les deux. Car elle s'imaginait qu'il avait eu sa part du miracle, que dans le coup de grâce qu'il avait mis debout, la chair guérie. Lui, si voisin d'elle, cœur à cœur, s'était senti enveloppé, soulevé par la même force divine, l'âme sauvée du doute, reconquise par la foi. Comment aurait-il pu assister à son extraordinaire guérison sans être convaincu? Elle avait tant prié, d'ailleurs, la nuit précédente devant la grotte. Elle l'apercevait à travers l'excès de sa joie, transfiguré lui aussi, pleurant et riant, rendu à Dieu. Et cela fouettait sa fièvre heureuse. Elle traînait son chariot d'une main, qui ne se lassait pas. Elle aurait voulu le traîner pendant des lieues encore, toujours plus haut, jusqu'à des sommets inaccessibles, jusque dans l'éblouissement du paradis, comme si elle eût porté leur double croix sur cette montée retentissante, son propre rachat et le rachat de son ami. « Oh, Pierre, Pierre !» balbutia-t-elle. « Que cela est bon d'avoir eu ce grand bonheur ensemble, ensemble !» Je le lui avais si ardemment demandé, et elle a bien voulu, et elle vous a sauvé en me sauvant. Oui, j'ai senti votre âme qui se fondait dans mon âme. Dites-moi que nos mutuelles prières ont été exaucées, que j'ai obtenu votre salut comme vous avez obtenu le mien. Il comprit son erreur, Il frémit. Si vous saviez, continua-t-elle, quel serait mon mortel chagrin de monter ainsi toute seule dans la clarté. Oh, être élue sans vous, m'en aller là-haut sans vous. Mais avec vous, Pierre, c'est un ravissement. Sauvés ensemble, heureux à jamais. Je me sens des forces pour être heureuse. Oh, des forces à soulever le monde. Et il dut pourtant lui répondre. Il mentit, révolté à l'idée de gâter, de ternir cette grande félicité si pure. Oui, oui, soyez heureuse, Marie, car je suis bien heureux moi-même, et toutes nos peines sont rachetées. Mais il se fit en son être une déchirure profonde, comme si brusquement il avait senti qu'un brutal coup de hache les séparait l'un de l'autre. Jusque-là, dans leur souffrance commune, elle était demeurée la petite amie d'enfance, la première femme ingénument désirée, qu'il savait toujours sienne, puisqu'elle ne pouvait être à personne. Et elle était guérie, et il restait seul dans son enfer, à se dire qu'elle ne serait jamais plus à lui. Cette pensée soudaine le bouleversa tellement qu'il détourna les yeux, désespéré de souffrir ainsi du bonheur prodigieux dont elle exultait. Le chant continuait. Le père Mathias, sans rien entendre, sans rien voir, tout à la brûlante gratitude envers Dieu, lançait le dernier verset d'une voix tonnante. « Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini jus in secula. » Encore cette rampe à gravir, encore un effort à faire sur cette montée rude aux larges dalles glissantes. Et la procession s'élevait encore, et l'ascension s'achevait en pleine lumière vive. Il y avait là un dernier détour, les roues du chariot sonnèrent contre la bordure de granit. Toujours plus haut, toujours plus haut, il roulait plus haut, il débouchait au bord du ciel. Alors, tout d'un coup, le dais apparut au sommet des rampes géantes, devant la porte de la basilique, sur le balcon de pierre qui dominait l'étendue. L'abbé Judaine s'avança, tenant à deux mains, en l'air, le Saint-Sacrement. Près de lui, Marie avait hissé le chariot, le cœur battant de la course, la face enflammée dans l'or dénoué de ses cheveux. Puis, derrière, tout le clergé s'était rangé, les surplis neigeux, les chasubles éclatantes, tandis que les bannières flottaient, ainsi que des drapeaux, pavoisant la blancheur des balustrades. Et il y eut une minute solennelle. De là-haut, rien n'était plus grand. D'abord, en bas, c'était la foule, la mer humaine aux flots sombres, à la houle sans cesse mouvante, immobilisée un instant, où l'on ne distinguait que les petites taches pâles des visages levés vers la basilique dans l'attente de la bénédiction. Et aussi loin que le regard s'étendait, de la place du Rosaire aux Gaves, par les allées, par les avenues, par les carrefours, jusqu'à la vieille ville lointaine, les petits visages pâles se multipliaient, innombrables, sans fin, tous béants, les yeux fixés sur l'auguste seuil où le ciel allait s'ouvrir. Puis, l'immense amphithéâtre de coteaux, de collines et de montagnes surgissait, montait de toutes parts, des cimes à l'infini qui se perdaient dans l'air bleu. Au nord, au-delà du torrent, sur les premières pentes, parmi les arbres, les nombreux couvents, les carmélites, les assomptionnistes, les dominicaines, les sœurs de Nevers, se doraient d'un reflet rose sous l'incendie du couchant. Des masses boisées s'étageaient ensuite, gagnaient les hauteurs du Buala, que dépassait la serre de Julos, dominée elle-même par le Miramont. Au sud s'ouvraient d'autres vallées profondes, des gorges étroites entre des entassements de rocs géants, dont la base trempait déjà dans des mares d'ombre bleuâtre. lorsque les sommets étincelaient de l'adieu souriant du soleil. De ce côté, les collines de Vicence étaient de pourpre, un promontoire de corail qui barrait le lac dormant de l'éther, d'une transparence de saphir. Mais à l'est, en face, l'horizon s'élargissait encore au carrefour même des sept vallées. Le château qui les avait gardées autrefois restait debout sur le rocher que baignait le Gave, avec son donjon, ses hautes murailles, son profil noir d'antique forteresse farouche. En deçà, la ville nouvelle était toute gaie au milieu de ses jardins. Un pullulement de façades blanches, les grands hôtels, les maisons garnies, les beaux magasins, dont les vitres s'allumaient, pareilles à des braises. Pendant que, derrière le château, le vieux Lourdes étalait confusément ses toitures décolorées dans un poudroiement de lumière rousse. À cette heure tardive, le petit Gers et le grand Gers, les deux croupes énormes de roches nues, tachetées d'herbes rases, derrière lesquelles descendait royalement l'astre à son déclin, n'étaient plus qu'un fond neutre, violâtre, deux rideaux sévères tirés au bord de l'horizon. Et l'abbé Judaine, en face de cette immensité, éleva de ses deux mains, plus haut encore, le Saint-Sacrement. Il le promena lentement d'un bout de l'horizon à l'autre. Il lui fit décrire un grand signe de croix, en plein ciel. À gauche, il salua les couvents, les auteurs de Buala, la serre de Julos, le Miramont. À droite, il salua les grands blocs foudroyés des vallées obscures, les collines empourprées de Vicence. En face, il salua les deux villes, le château baigné par le Gave, le petit Gers et le grand Gers, déjà ensommeillés. Et il salua les bois, les torrents, les monts, les chaînes indéterminées des pics lointains, la terre entière par-delà l'horizon visible. Paix à la terre, espérance et consolation aux hommes. En bas, la foule avait frémi sous ce grand signe de croix qui l'enveloppait toute. Il sembla qu'un souffle divin passait, roulant la houle des petits visages pâles, aussi nombreux que les flots d'un océan. Une rumeur d'adoration monta. Toutes les bouches ouvertes clamèrent la gloire de Dieu, lorsque l'ostensoir, que le soleil couchant frappait en plein, apparut de nouveau comme un autre soleil, un pur soleil d'or traçant le signe de la croix en trait de flamme, au seuil de l'infini. Déjà, les bannières, le clergé, l'abbé Judaine sous le dais rentraient dans la basilique, lorsque Marie, au moment où elle y pénétrait, elle aussi, sans lâcher le timon de son chariot, fut arrêtée un instant par deux dames qui l'embrassèrent en pleurant. C'était madame de Jonquière et sa fille Raymonde, montées là pour assister à la bénédiction et qui avaient appris le miracle. « Ah, cher enfant, quelle joie !» répétait la dame hospitalière. « Et combien je suis fière de vous avoir dans ma salle! C'est pour nous toutes une faveur si précieuse que la Sainte Vierge vous ait choisie. » La jeune fille avait gardé entre les siennes une main de la miraculée. « Me permettez-vous de vous appeler mon amie, mademoiselle ? Je vous plaignais tant, j'ai tant de plaisir à vous voir marcher, si forte, si belle déjà. Laissez-moi vous embrasser encore, ça me portera bonheur. » Marie balbutiait de ravissement. « Merci, merci bien, de tout mon cœur. Je suis si heureuse, si heureuse. » « Oh, nous ne vous quittons plus !» reprit madame de Jonquière. « Tu entends, Raymonde, suivons-la. Allons nous agenouiller avec elle, et c'est nous qui la ramènerons après la cérémonie. » En effet, ces dames se joignirent au cortège, marchèrent à côté de Pierre et du père Mathias. Derrière le dais, jusqu'au milieu du chœur, entre les rangées de chaises, déjà occupées par les délégations. Seules les bannières furent admises aux deux côtés du maître-autel. Et Marie aussi s'avança, ne s'arrêta qu'en bas des marches avec son chariot, dont les fortes roues sonnaient sur les dalles. Elle l'avait amené où la sainte folie de son désir rêvait de le monter. Lui, si douloureux et si pauvre, dans la splendeur de la maison de Dieu, pour qu'il y fût la preuve du miracle. Dès l'entrée, les orgues avaient éclaté en un chant triomphal, une acclamation tonitruante de peuple heureux, d'où se dégagea bientôt une céleste voix d'ange, d'une allégresse aiguë, pure comme le cristal. L'abbé Judaine venait de poser le Saint-Sacrement sur l'autel, la foule achevait d'emplir la nef, chacun prenait sa place, se tassait, en attendant que la cérémonie commençât. Tout de suite, Marie était tombée à genoux, entre Madame de Jonquière et Raymonde, dont les yeux restaient humides d'attendrissement, pendant que le père Mathias, à bout de force, après la crise d'extraordinaire tension nerveuse qui le soulevait depuis la grotte, sanglotait et fondrait à terre, la face dans les mains. Derrière, Pierre et Berthaud demeuraient debout. Ce dernier, toujours en surveillance, l'œil aux aguets, veillant au bon ordre, même au milieu des plus fortes émotions. Alors, dans son trouble, étourdi par le chant des orgues, Pierre leva la tête, regarda l'intérieur de la basilique. C'était une nef étroite, haute, bariolée de couleurs vives, que des baies nombreuses inondaient de lumière. Les bas-côtés existaient à peine, se trouvaient réduits à un simple couloir filant entre les faisceaux des piliers et les chapelles latérales. Ce qui semblait augmenter encore l'élancement de la nef, cet envolement de la pierre en lignes minces d'une gracilité enfantine. Une grille toute dorée, transparente comme une dentelle, fermait le chœur, où le maître-autel, de marbre blanc, couvert de sculptures, avait une somptuosité de candeur virginale. Mais ce qui étonnait, c'était l'extraordinaire ornementation dont l'amas transformait l'église entière en un étalage débordant de broderies et de joailleries, des bannières, des ex-voto innombrables, tout un fleuve de dons, de cadeaux qui avaient coulé et s'étaient amassés sur les murs, tout un ruissellement d'or, d'argent, de velours, de soie qui la tapissait du haut en bas. Elle était le sanctuaire sans cesse embrasé de la reconnaissance. Elle chantait par ses mille richesses un continuel cantique de foi et de gratitude. Les bannières surtout foisonnaient, se multipliaient comme les feuilles des arbres, sans nombre. Une trentaine étaient suspendues à la voûte. En haut, garnissant tout le pourtour du triforium, d'autres faisaient tableaux, encadrés dans des colonnettes. Elles s'étalaient le long des murailles, elles flottaient au fond des chapelles, elles entouraient le chœur d'un ciel de soie, de satin et de velours. On en comptait des centaines. Le regard se fatiguait à les admirer. Beaucoup étaient célèbres, d'un travail si habile que de grandes brodeuses se dérangeaient pour les voir. Celle de Notre-Dame de Fourvière, aux armes de la ville de Lyon, celle de l'Alsace, en velours noir brodé d'or, celle de la Lorraine, où l'on remarquait une vierge couvrant deux enfants de son manteau. Celle de la Bretagne, bleue et blanche, où saignait un Sacré-Cœur au sein d'une gloire. Tous les empires, tous les royaumes de la terre se trouvaient représentés. Les pays les plus lointains, le Canada, le Brésil, le Chili, Haïti, avaient là leur drapeau, dont ils étaient venus dévotement faire hommage à la Reine du Ciel. Puis, après les bannières, il y avait encore une merveille. Les milliers et les milliers de cœurs d'or et d'argent accrochés partout, luisant aux murs comme les étoiles au firmament. Il dessinait des roses mystiques, il traçait des festons, des guirlandes, qui montaient le long des piliers, entouraient les fenêtres, constellaient les chapelles profondes. Au-dessous du triforium, on avait eu l'idée ingénieuse d'écrire, en lettres hautes, à l'aide de ses cœurs, les diverses paroles que la Sainte Vierge avait adressées à Bernadette. Et une longue frise se déroulait ainsi, autour de la nef, qui faisait la joie des âmes enfantines, très occupées à en épeler les mots. C'était un pullulement, un brasillement de cœurs prodigieux, dont le nombre infini accablait, quand on songeait à toutes les mains tremblantes de reconnaissance qui les avaient données. D'ailleurs, beaucoup d'autres ex-voto et des plus imprévus entraient aussi dans la décoration. On voyait, encadrés sous verre, des bouquets de mariés, des croix d'honneur, des bijoux, des photographies, des chapelets, jusqu'à des éperons. Et il y avait des épaulettes d'officiers, ainsi que des épées, parmi lesquelles un superbe sabre laissé là en souvenir d'une conversion miraculeuse.